La contrainte. La contrainte en arabe, al-ikrah, est un empêchement d'apostasie, car lorsqu'une personne est contrainte à faire quelque chose, elle ne la fait pas de son plein gré ni volontairement. Ibn Hajar al-Asqalani dit : la contrainte consiste à forcer autrui à commettre ce qu'il ne veut pas faire. Elle n'est considérée que sous quatre conditions. 1. Que le contraignant soit capable d'appliquer sa menace et que la victime soit incapable de la repousser, ne fût-ce que par la fuite. 2. Qu'il soit quasiment certain qu'en cas de refus, la menace s'exécutera. 3. Que la menace soit imminente. Par contre, s'il lui dit « Fais cela, sinon demain je te frapperai », ce n'est pas une contrainte, à moins que le délai soit très court ou qu'habituellement, il tiendra sa promesse. 4. Que la victime ne montre aucun signe indiquant qu'il agit par choix. La preuve que la contrainte est un empêchement d'apostasie est le verset. Quiconque met croit en Allah après avoir eu la foi, sauf celui qui est contraint alors que son cœur est rassuré sur la foi. Sourate 16, verset 106. Al-Qurtubi dit, les gens de science sont unanimes que celui qui est contraint à commettre de la mécréance au point qu'il craint d'être tué pour ça, il n'encourt aucun péché s'il commet de la mécréance et que son cœur est serein sur la foi. Il ne doit pas être séparé de sa femme et n'est pas jugé du verdict de mécréance. Ceci est l'avis de Malik, des gens de Koufa, de Shafi'i, excepté Mohamed ibn al-Hassan qui dit « S'il manifeste du polythéisme, il devient apostat dans l'apparence, mais il est musulman entre lui et Allah, et on doit le séparer de sa femme, et on ne prie pas sur lui s'il meurt, et il n'hérite pas de son père si ce dernier meurt musulman. » Mais cet avis est rejeté par le Coran et la Sunna. Quant aux limites de la contrainte, elles n'ont pas été définies clairement ni par le Coran ni par la Sunna. Ainsi, sa délimitation revient à l'estimation légale des juristes et érudits de l'islam qui divergèrent sur cette question. Mais en général, ils ne considèrent la présence de contraintes que lorsque les conditions suivantes sont réunies. 1. Que la menace du contraignant soit une chose qu'il est impossible pour le contraint de supporter, comme la torture et la douleur sévère, comme la mutilation des membres, les brûlures avec du feu ou la mort, etc. 2. Que le contraignant soit capable d'exécuter sa menace. 3. Que le contraint soit incapable d'écarter la menace, même par la fuite. 4. Que le contraint pense réellement que la menace va lui être appliquée s'il refuse. 5. Que le contraint ne montre aucun signe de persistance en disant ou faisant plus que ce qu'on lui a demandé de faire pour éviter la menace. 6. Que le contraint remanifeste son islam dès que la contrainte est levée. Les savants ont dit, il faut que la contrainte, sous laquelle il est permis de tenir des propos de mécréance, soit une torture que la victime est incapable de supporter, comme la menace de mort, ou alors se faire frapper très violemment, ou le fait de subir d'atroces souffrances, comme le fait d'être brûlé vif ou quelque chose comme ça. Al-Shawkani dit, Hassan al-Basri, ainsi que Al-Awza'i, Al-Shafi'i et Sihnun sont d'avis que cette dispense mentionnée dans ce verset n'est accordée que pour les paroles de mécréance, mais pas pour les actes, comme si on le contraint à se prosterner pour un autre qu'Allah. Mais cet avis est rejeté par le sens apparent du verset, car il est général pour quiconque est contraint, sans qu'il n'y soit noté une différence entre la parole et l'acte. Et ceux-là qui délimitent la dispense aux paroles sans les actes n'ont aucune preuve légale de leur avis. Or, la cause de révélation n'est pas prise en compte lorsque les termes sont généraux, comme cela est défini dans la science des principes du droit. Al-Qurtubi a dit « Les savants ont divergé quant aux limites de la contrainte. » Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « Un homme n'est plus en sécurité pour sa vie lorsqu'il est menacé de mort ou de torture, ou ligoté ou tabassé. » Ibn Mas'ud disait « Il n'y a pas une parole qui me protège des coups de bâton sans que je ne la prononce. » Et Al-Hassan al-Basri disait « Se protéger des mécréants est licite jusqu'au jour du jugement pour tout croyant. Mais Allah n'a pas mis de protection dans le meurtre d'un musulman. Être enchaîné est une contrainte. Être emprisonné est une contrainte. » Et ceci est l'avis de Malik, sauf que celui-ci dit « La menace terrifiante est une contrainte même si elle n'est pas encore exécutée dans la mesure où il est certain que le contraignant applique ses menaces. » Et Malik et ses disciples n'ont pas défini de durée spécifique à l'emprisonnement ou la bastonnade. Mais c'est uniquement les coups douloureux ainsi que la prison qui causent de la peine à la victime de la contrainte. Et la contrainte qu'inflige le sultan est selon Malik une contrainte prise en compte. Et Abu Bakr ibn al-Arabi dit « Et les gens divergèrent sur la question de la menace. Est-elle une contrainte ou non ? L'avis correct est que c'est une contrainte. Si l'oppresseur est capable d'appliquer sa menace et dit à un homme « Fais ça, sinon je te tue » ou « Je te frappe » ou « Je prends tes biens » ou « Je t'emprisonne » et que personne n'est là pour le protéger si ce n'est Allah, alors dans ce cas-là, il a le droit de le faire. Et il n'a pas de péché pour ça en général, sauf en ce qui concerne le meurtre. Les savants divergèrent également. Est-il permis de prononcer de la mécréance nette et claire sous la contrainte ? Ou bien est-on obligé de jouer avec les mots et de dire des propos à double sens ? Les malikites sont en général d'avis que seuls les jeux de mots sont permis. Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi a dit quant au fait de commettre de la mécréance sous la contrainte, c'est permis sans aucune divergence, à condition qu'il le prononce de sa langue alors que son cœur est reposé sur la foi. Si son cœur vient soutenir la langue, il est alors coupable de mécréant, car la contrainte n'a aucune emprise sur le cœur. Son emprise n'est que sur le corps. D'ailleurs, les inquisiteurs de notre doctrine ont dit, lorsqu'il prononce de la mécréance, il lui est uniquement permis de jouer avec les mots, sinon c'est un mécréant. Ceci est l'avis exact, car la contrainte n'a pas d'emprise sur les jeux de mots. Et aussi lorsqu'on lui dit « renie le Nabi, le prophète », et il dit « je renie Nabi », en insistant sur le « B », ce qui signifie « le lieu surlevé de la terre ». Et c'est ainsi que l'on raconta que certains savants à l'époque d'Ahmed ibn Hanbal et du fléau, de l'hérésie, de la création du Coran, furent appelés à dire que le Coran est créé. Alors l'un d'entre eux dit « le Coran, la Torah, l'Évangile et les psaumes de David, en les énumérant de ses doigts, ces quatre-là sont sacrés. » Et il voulait parler de ses doigts et non des livres saints. Alors que ceux qui le contraignaient comprirent de sa parole qu'il parlait des quatre livres descendus de chez Allah vers les prophètes. Il fut donc pur en lui-même et la compréhension de ses contraignants ne lui causa aucun tort. Mais l'avis exact est que la contrainte permet de commettre de la mécréance nette même sans jouer avec les mots, comme le prouvent les termes apparents du verset « Quiconque mécroit en Allah après avoir eu la foi, sauf celui qui est contraint » Sourate 16, verset 106. Allah n'a pas dit « Quiconque joue avec les mots après avoir cru, sauf celui qui est contraint ». Il ne s'agit donc pas de jouer avec les mots, mais bien de mécréance catégorique. De plus, la Sunna nous enseigne que jouer avec les mots est licite, même sans qu'il n'y ait de contrainte, comme le prouve par exemple l'histoire du meurtre de Ka'b ibn Ashraf. Et nous allons le voir en détail dans quelques instants, Inch'Allah. Quant aux limites de la contrainte, la vie exacte, si Allah le veut, est ce que mentionne Shir Ahmed ibn Atiq. Ce qu'il dit, Shir al-Islam ibn Taymiyyah a dit « J'ai examiné les différentes tendances de droit et j'ai remarqué que la contrainte diffère en fonction de la chose à laquelle on est contraint et que la contrainte prise en compte pour prononcer une parole de mécréance n'est pas la même contrainte que celle prise en compte pour la femme qui renonce à sa dot. » Et Ahmed nota dans plus d'un passage que la contrainte sur la mécréance n'est prise en compte que lorsqu'il s'agit de torture comme des coups ou alors en cas d'emprisonnement et que la simple parole menaçante n'est pas une contrainte. Et il nota aussi que si la femme offre sa dot ou sa maison à son mari, elle a le droit de le reprendre vu qu'elle ne renonce à cela que par peur du divorce ou de la maltraitance. Il considéra donc que la peur d'être divorcée ou d'être maltraitée est une contrainte. Et dans un autre passage, il dit parce qu'il l'a contrainte, mais ceci n'est pas une contrainte pour la mécréance. D'ailleurs, si celui qui est captif chez les mécréants craint que les mécréants ne lui permettent pas de se marier ou qu'il le sépare de sa femme, il n'aurait pas le droit de prononcer de la mécréance pour ça. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que la contrainte permettant de prononcer de la mécréance n'est que la torture, comme la bastonnade ou l'emprisonnement, et que la simple menace n'est pas une contrainte, ni même la peur que les mécréants le séparent de sa femme. Cela ne serait pas une contrainte. Une fois que tu sauras ça, et que tu sauras ce que commettent beaucoup de gens, tu comprendras alors les propos du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue. L'islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger, comme il a commencé. Et certes, l'islam est redevenu étranger, et plus étranger encore est celui qui sait ce qu'est réellement l'islam. Et c'est Allah qui accorde la réussite. Ainsi, celui qui commet de la mécréance pour protéger ses biens, il n'est pas excusé. Allah a dit « Quiconque mécroit en Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est rassuré sur la foi. Mais quiconque ouvre son cœur à la mécréance a sur lui la colère d'Allah et sur lui un grand châtiment. Ceci car ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Et qu'Allah ne guide pas les gens mécréants. Sourate 16, versets 106 à 107. Mohammed ibn Abdel Wahhab commente ce verset en disant « Allah déclara que cette mécréance et cette punition ne sont pas causées par une conviction, ni par une ignorance, ni par une haine envers la religion ou un amour pour la mécréance. Mais ils ne se sont causés que parce qu'il a trouvé une jouissance mondaine en le faisant et qu'il a préféré ça à la religion. » Soleiman ibn Abdullah el-Sheikh a dit « Puis Allah nous informe que la cause de cette mécréance et de ce châtiment ne sont pas le fait qu'il ait été convaincu par l'idolâtrie, ou qu'il ait ignoré le monothéisme, ou qu'il ait détesté la religion, ou aimé la mécréance, mais la cause de cela est qu'ils ont eu dans cette jouissance mondaine et qu'ils l'ont préférée à la religion et à la satisfaction du Seigneur des mondes. » Mais Allah dit « Et il en est ainsi. » parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Et Allah dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate 9, verset 24. Dans ce verset, Allah a clairement stipulé toutes les choses qui ne sont pas une excuse pour désobéir à Allah et son messager. Dès que la contrainte est levée, il faut immédiatement cesser de commettre la mécréance et remanifester son islam. Ibn Qudama al-Maqdisi a dit « Dès que la contrainte cesse, il est tenu de remanifester son islam. S'il le remanifeste, il n'aura alors pas cessé d'être musulman. Mais s'il continue à manifester la mécréance, alors on considérera qu'il est devenu mécréant dès l'instant où il a prononcé la mécréance. Car ceci nous prouve que lorsqu'il prononça cette mécréance, il le fit de son cœur et par choix. Et si une preuve est apportée comme quoi il a prononcé une parole de mécréance, alors qu'il était captif chez les mécréants ou enchaîné chez eux en situation de peur, son apostasie ne sera pas décrétée car il est apparemment contraint. Mais si on témoigne qu'il était en sécurité lorsqu'il a prononcé la mécréance, il sera jugé apostat. Il est mieux de ne pas céder à la contrainte et de demeurer sur l'islam jusqu'à la mort, à l'unanimité, comme le nota Al-Qurtubi. Les savants sont unanimes que si celui qui est sous la contrainte choisit de mourir, il aura une plus grande récompense auprès d'Allah que s'il prend la dispense qu'Allah lui a accordée. Sur la permission de jouer avec les mots, face aux mécréants en cas de besoin, Al-Bukhari rapporte dans son Sahih. Il dit, d'après Jabir ibn Abdullah Kalalagé, le prophète والسلام, a dit « Qui va se charger de Ka'b ibn Ashraf ? Il offense Allah et son messager. » Alors Mohammed ibn Maslama dit « Aimerais-tu que je le tue, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Oui. » Alors ibn Maslama se rendit chez Ka'b ibn Ashraf et lui dit « Celui-là, en parlant du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, nous a fatigués et nous a réclamé une contribution financière. » Avec ces mots, Ka'b ibn Ashraf crut qu'il avait affaire avec des renégats qui avaient quitté le prophète, bien que ceux-ci n'avaient pas clairement exprimé ça. Ainsi, ces musulmans purent l'approcher et le tuer. Cette histoire est bien connue dans le parcours du prophète, voire le nectar caché, d'El Mubarak Fori. Ibn al-Qayyim dit, le messager d'Allah dit alors, qui va s'occuper de Ka'b ibn Ashraf ? Il offense Allah et son messager. Alors Mohammed ibn Maslama se proposa pour s'en charger, ainsi que Abbad ibn Bishr, Abu Naïla, dont le vrai nom est Salqan ibn Salama, qui est le frère de l'aide de Ka'b ibn Ashraf, Al-Harith ibn Aous et Abu Abs ibn Jibr. Et le prophète le permit de dire tout ce qu'il voudrait comme parole afin de le tromper. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils firent d'abord passer Salqan ibn Salama, qui fit semblant d'être d'accord, de se détourner du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de se plaindre de leur situation pénible. Ibn Hajar a dit, quant aux promos tenus par Mohammed ibn Maslama, il nous a vraiment fatigués. Il nous demande de contribuer financièrement. Ses propos sont ambigus et peuvent être compris dans deux sens. Soit qu'ils n'ont suivi le prophète que dans un but mondain, et ceci est un mensonge pur et simple. Soit il a voulu dire que le prophète nous a fatigués à force de faire la guerre avec les Arabes. Il s'agit donc d'un jeu de mots dans lequel il n'y a au final aucun réel mensonge. Car le mensonge consiste à informer d'une chose contrairement à ce qu'elle est en réalité. Ceci nous prouve qu'il est licite aux musulmans de tenir des propos qui font croire aux mécréants qu'il a quitté l'islam ou accepté la mécréance, à condition que ses propos ne soient pas d'une signification formelle à sens unique. En effet, si Mohammed ibn Maslama avait dit à Ka'b ibn Ashraf « Le messager d'Allah est un menteur, il n'est pas vraiment prophète », cela n'aurait plus été un simple jeu de mots, mais bien une mécréance claire et une apostasie évidente. Car ici, Mohammed Maslama ne fut pas en situation de contrainte. S'il avait tenu des propos de mécréance claire, il aurait apostasié et n'aurait pas été excusé. Cela prouve donc aussi que le musulman a le droit d'utiliser des jeux de mots semblables, visant à faire croire au mécréant qu'il a accepté une mécréance ou qu'il a quitté l'islam, lorsque la nécessité l'y appelle, même s'il n'est pas sous la contrainte définie auparavant. Ou aussi, si on lui dit « renie al-Nabi », le prophète, il dit « je renie al-Nabi », en insistant sur le « b », car « Nabi » signifie en arabe « le lieu surlevé ». Et nous avions déjà mentionné Abu Bakr ibn al-Arabi, ce qu'il dit, et c'est ainsi que l'on raconta que certains savants à l'époque d'Ahmed ibn Hanbal et du fléau de l'hérésie de la création du Coran furent appelés à dire que le Coran est créé. Alors l'un d'entre eux dit, le Coran, la Torah, l'Évangile et les psaumes de David, en les énumérant de ses doigts, ces quatre-là sont créés. Et il voulait parler de ses doigts et non des livres saints. Alors que ceux qui le contraignaient comprirent de sa part qu'il parlait des quatre livres descendus de chez Allah vers les prophètes. Il fut donc pur en lui-même, et la compréhension de ses contraignants ne lui causa aucun tort. Ainsi, le musulman vivant entouré de mécréants et se trouvant confronté à de nombreuses mécréances placées entre lui et ses besoins vitaux, contrats de loyer, de gaz, d'électricité ou autres, qui comportent des clauses polythéistes imposant d'avoir foi au Tarout et de le prendre pour juge en dehors d'Allah lors des litiges, etc. Il lui est licite de faire croire au mécréant qu'il a accepté ou signé le contrat en écrivant par exemple « je refuse » en forme de signature. Ou bien, lorsqu'on lui demande d'écrire « lu et approuvé », d'écrire « lu et approuvé » ou « lu et prouvé », etc. Ce genre de jeu de mots ne constitue pas une cause d'apostasie nette. Point à retenir. La contrainte est la seule chose qui excuse le musulman de commettre de la mécréance claire et évidente, à condition d'avoir le cœur serein sur la foi. La délimitation de la contrainte n'a pas été précisément établie par le Coran et la Sunna, c'est pourquoi les savants ont divergé à ce sujet. Mais Allah a délimité ce qui n'est pas une contrainte, à savoir la famille, les plaisirs mondains. Celui qui commet de la mécréance claire sans être contraint n'est pas musulman et n'est pas excusé. Il est plus valeureux de ne pas céder sous la contrainte. Il est permis en cas de besoin de tenir des propos ou commettre des gestes ambigus pour ruser les mécréants ou obtenir un bien ou éviter un mal, à condition de ne pas commettre une mécréance claire.